à coups d'un patata. Je suis un cœur trop petit pour faire de la philosophie. Pourtant, croyez-moi, pour être heureux, c'est pas compliqué. Il faut y croire et savoir donner. Un sourire et une blague carambasse. N'importe quoi.